19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Oui, les chantiers archéologiques s'enchaînent, peut-être avant que ne pointent les rigueurs de l'hiver, la neige, la boue. Car si l'archéologie peut parfois se pratiquer en chambre, la réalité du terrain s'avère tout autre. Immense surface décapée à l'aide d'engins mécaniques, pelle, pioche, brouette, voire truelle, dans la quête inlassable d'un temps passé, mais surtout perdu face au délai du chantier à respecter. La fouille constitue pour l'archéologue un acte primordial, la collecte des données primaires, parfois sacrales. Quoi qu'il en soit, en visiter constitue toujours un moment très privilégié. Avant les premiers frimas, mais déjà les pieds dans la boue, direction la Vendée, à l'invite de Stéphane Augry et de sa toute jeune équipe de l'INRAP, à quelques centaines de mètres d'un monument où l'histoire s'est probablement réalisée, une grande découverte archéologique encore insoupçonnée semblait pointée. Un port médiéval, celui de Telmont-Saint-Hilaire, 12 kilomètres au sud des Sables d'Olonne. Là, on est au pied du château de Telmont-Saint-Hilaire et sur une fouille préventive assez grande, 2500 m2 au cœur du bourg, et pour reprendre le jargon des archéologues, en contexte humide. Stéphane Augry, alors le contexte topographique a du sens. Votre fouille est donc au pied d'un château et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le paysage en face de nous, le château de la tour maîtresse du château de Telmont-Saint-Hilaire, qui est étroitement associé à Richard Cœur de Lion, donc la dynastie des Plantagenets, mais pas seulement, hein, puisque c'est un château qui est créé au Xe, XIe siècle et qui a une très très longue histoire, avec un point fort au XIIe, XIIIe. Mais le château, le réduit, fortifié, ce n'est que l'expression d'un symbole d'une organisation de territoire bien plus vaste du bourg de Talmont. Alors le bourg, donc l'enceinte urbaine, les sites des vassaux, donc probablement des mottes, des lieux de culte également, des églises, un paysage relativement méconnu. Et là, vraiment, le cœur de la fouille préventive, en fait, c'est le port qui est directement en lien avec le château, qui a un lien organique direct avec le château. Quand le château est créé, le port existe. Quand le château meurt, le port périclite petit à petit. En tout cas, sur le donjon flotte un beau drapeau rouge à lions jaunes, trois lions même. Il a été fouillé, ce château ? Alors effectivement, l'INRAP a investi les lieux depuis 2003. Donc c'est mon collègue Teddy Bétius qui fait une fouille programmée sur le château, là qui est plus en phase publication. Ce qui fait que, effectivement, par la recherche plus programmée, on a vraiment un éclairage de tout le contexte historique et archéologique des lieux. Donc ça, c'est vraiment un plus. Il y a également une fouille programmée de l'Université de Nantes sur le littoral de pontons qu'on peut encore voir à marée basse, donc de pontons médiévaux, hein, avec les bois conservés. Il y a aussi une thèse de l'École des Chartres sur le château. Donc il y a vraiment une recherche programmée très active qui a vraiment produit beaucoup de choses. En tout cas, on est au pied du château, donc on est dans un trou, dans un creux. Le château est sur un éperon, on est dans la ville basse. Alors de la ville médiévale, il ne reste pas grand-chose. On savait que le port existait par les sources écrites, avec quelques mentions au 10e, plus assérément au 15e. Il y a l'abbé Sugère qui mentionne le port du château, qui fait une description, qui évoque quelques denrées échangées avec l'Espagne, le froment. Mais sinon, jusqu'à notre intervention, ce n'était qu'une hypothèse. Et alors, ce que vous avez, c'est un chenal, même des chenaux. Exactement, donc c'est ça qui est très perturbant et assez compliqué. C'est que, probablement un peu à l'image du marais qui existe aujourd'hui avec des chenaux en peigne qui finissent en cul-de-sac, on a probablement cet aménagement humain du marais qui fait la jonction en fait avec le littoral et qui permet vraiment d'aménager le territoire, d'acheminer les marchandises jusqu'au château. Donc cette organisation, elle est relativement complexe à comprendre du point de vue stratigraphique. On ne sait pas encore si les chenaux sont synchrones, s'ils fonctionnent les uns avec les autres, mais on va partir sur cette hypothèse de travail. Après, ce qu'on voit, c'est que le marais est, sur les plusieurs siècles d'occupation, la présence humaine est très très marquée. Moi qui ne connais pas les chenaux et les marais vendéens, ça se présente comment ? C'est assez simple, hein. C'est un marais avec des chenaux aménagés par l'homme, donc en peigne. Donc il faut imaginer des réseaux de chenaux qui communiquent les uns avec les autres et qui petit à petit rejoignent le littoral. L'organisation médiévale est très similaire de cette forme du paysage qui a très peu changé. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ces marais sont très anthropisés, c'est-à-dire très occupés par l'homme. L'homme y a de nombreuses activités. Alors exactement, hein, on a... les fenêtres d'observation du marais en place, des zones vraiment préservées, vierges, sont vraiment infimes sur toute la surface des capés. Par contre, on retrouve sur les 2105 m², il y a des aménagements partout. Parce que c'est les chenaux qui sont les principales structures. On a leurs aménagements en bois, mais on a aussi des cales. On a tout le vocabulaire associé aux infrastructures portuaires. Alors, ce qui vole au-dessus de nous, c'est un drone, une sorte d'énorme moustique et qui fait des images donc verticales. C'est bien sûr le bruit qu'on entend. Hors de votre fouille, est-ce qu'on a eu déjà d'autres fouilles dans ces marais ? On sait qu'à l'époque médiévale, l'eau est extrêmement importante. Les pêcheries, les étangs, tout ça est aménagé. Le territoire est organisé et c'est un petit peu aussi la force de la recherche programmée d'avoir mis ça en évidence. C'est que sur un large territoire, tout ça est contrôlé, aménagé, structuré. On retrouve les structures pour le déchargement du transport à longue distance. On retrouve des zones des parcs de chasse. On retrouve des hollas dans les forêts actuelles. On retrouve vraiment tout aménagement. Et pour cette zone de marée, en fait, même s'il peut apparaître naturel aujourd'hui, en fait, ce n'est que le résultat des aménagements humains dès l'époque médiévale. En tout cas, on sait que votre chenal arrive au pied du château. Je crois qu'il alimentait même les douves de ce château-là à certains moments. Mais il part d'où ? Alors, on ne connaît pas exactement le trait de côte du littoral pour l'époque médiévale. On a quelques hypothèses, mais c'est bien un port dans le marais, mais qui est directement en lien avec la mer, quoi. Donc, les gros navires arrivaient de la mer et on suppose que qu'on est sur des embarcations à fond plat plus légères pour naviguer sur les chenaux. Par contre, vu l'anthropisation, vu les conséquences que ces creusements ont eues sur simplement la fenêtre qu'on a là, on peut imaginer quelque chose de assez intense en termes de flux et en termes économiques. Vous êtes encore affecté par la marée ? On est à combien de la mer, là ? Combien de kilomètres ? Donc on est à 4-5 km de la mer et effectivement on ressent dans le niveau de la nappe phréatique quand on part le week-end, celui-ci est variable et on est sous influence de l'océan. Ce qui me permet aussi de dire que dans les études qu'on va déployer, il y a tous ces coquillages qui sont marqueurs du milieu. Donc on verra si on est en milieu salé ou en milieu en eau douce et comment tout ça a été géré également par l'homme. Parce qu'il y a aussi tout un système totalement méconnu mais de biefs et d'étangs qui sont au-dessus du château pour le coup et probablement qu'ils ont également joué avec ce système hydraulique à la fois pour des raisons défensives, pour défendre le château par des douves, hein, qui sont véritablement des fossés en eau, mais il y a aussi probablement toute une activité économique annexe. Alors pas ici sur le site, mais proche du château, il y a un moulin, il peut y avoir des viviers, il y a vraiment, là-dessus, on espère avoir, en tout cas que la fouille se fasse l'écho de recherches documentaires un peu plus poussées, parce qu'il y a vraiment un potentiel sur le fond documentaire. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs sur justement ce fond documentaire ? Il reste bien sûr à explorer, mais vous avez commencé déjà quelques recherches, j'imagine, pas vous, mais quelques spécialistes des textes anciens, quelques chartistes. Alors exactement, là, c'est à nouveau, ça c'est plutôt en lien avec la recherche programmée. Le potentiel est présent, mais après les moyens étant ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont pour l'instant, ils ont été concentrés sur le château et sur son histoire qui est, bon, j'ai résumé avec Richard Cœur de Lion, mais en fait l'histoire est bien plus complexe. Je crois qu'un des apports de ces études a montré que c'était à un moment une co-seigneurie. En fait, il y avait deux seigneurs, il y a deux hollas, deux grandes salles, donc un partage de ces seigneurs de la place forte. On va aller voir ce port, on va avancer dans l'argile en espérant pas se casser la figure. Alors ce que l'on voit déjà là par exemple, c'est étonnant, c'est une sorte de marne qui est presque bleu, gris bleuté. Oui, effectivement, donc ça c'est ce qu'on appelle le bris, donc c'est le terrain naturel qui nous pose pas mal de problèmes parce qu'on a eu, dans la vie des chenaux, on a eu des curages, des recreusements, des surcreusements, et donc cette bris, quand elle est déplacée, ces argiles, quand elles sont remises en place, ça peut sembler être le terrain naturel en place, et en fait pas du tout. Donc on a eu une partie des chenaux qui étaient y compris camouflés par ces argiles. Et c'est assez perturbant en termes stratigraphiques. Donc là, avec l'argile, on serait dans l'eau, on serait dans le chenal. Et de l'autre côté, où c'est beaucoup, beaucoup plus noir, on serait déjà sur le sol, ou c'est l'inverse ? Exactement, c'est l'inverse. Donc le marais correspond à ces vases, à ces argiles gris-bleu. Et par contre, de l'autre côté de la structure en bois, on est plus dans les phases de comblement, d'abandon du chenal. Là, on est aussi dans un autre chenal. Et ce que l'on voit, c'est assez extraordinaire, c'est deux lignes, peut-être même trois lignes de pieux. Alors effectivement, là on est sur un secteur, la partie sud du chantier, qu'on a sur plus de 30 mètres de longueur, et on est vraiment sur une zone stratégique. Déjà, ce qui a été fouillé, en fait on a exactement les mêmes structures, mais qui ont été fouillées et qui sont en pierre. Donc on a un aménagement de type quai, qui se succèdent les uns après les autres, donc qui sont probablement datés du 12e-13e siècle, en lien avec les grosses phases d'expansion de travaux sur le château, la construction de la tour maîtresse, etc. Et la bonne surprise, en fait, quand on a essayé de démêler le fil de cette stratigraphie, c'est que les murs en pierre, en fait, se sont installés sur le même type d'aménagement, mais en bois. Et comme on est dans le marais en contexte humide, le bois, qui habituellement disparaît des sites archéologiques, est conservé. Donc là, on a une structure relativement complexe, avec en arrière, donc côté marais, des grandes poutres calées avec des gros renforts qui servent à stabiliser la berge. On a une deuxième ligne de pieux qui est planté au bord de du chenal pour vraiment stabiliser les masses de terre. Donc tout ça servait à retenir. Et après, on a une troisième ligne de pieux, un petit peu plus complexe, qui déborde des premières lignes, qui servait probablement à stabiliser, à maintenir une structure, un platelage en bois. En gros, on est sur un dock, un quai de déchargement des chenaux. Donc on imagine les barques qui venaient contre ce quai. Et l'endroit où on décharge est un petit peu plus aménagé avec ce platelage en bois qui malheureusement a disparu. Des sortes de pontons ? Exactement, des pontons. Alors un système relativement complexe, un peu bricolé, plutôt imposant. On a des empierrements de part et d'autre de la structure qui peut nous indiquer la taille de l'espèce de gabarre ou d'embarcation qui vient à fond plat, qui vient livrer les matériaux ou les prendre. Ça donne déjà un beau module. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Stéphane Augrille, vous avez aussi une digue ? C'est une découverte toute récente, on est en pleine réflexion. Donc on a vraiment une grosse poutre, carrément un tronc d'arbre qui est posé brut. Donc on n'est pas sur du bois de remploi, hein. C'est un bois qui a été fait pour, qui a un système de tonneau-mortaise avec des gros poteaux. Alors qui sert, dans un premier temps, on l'a interprété comme du renfort de berge. Mais le problème, c'est qu'entre les poteaux, il n'y a rien. Donc du coup, à bien y réfléchir, et vu la taille massive de la construction, en fait, on pense qu'on est sur un élément de franchissement. En gros, la base d'une passerelle. Ça donne à réfléchir, parce que quand on voit la monumentalité de l'ensemble, on est sur, mettons, un platelage de 5 mètres de large. Ça nous fait vraiment penser à un franchissement et donc un pont. Pierre Péfaud, nous sommes devant une poutre absolument gigantesque, tenon et mortaise, donc probablement la base d'une sorte de pont. Vous êtes archéologue, bien sûr, vous travaillez sur le bois, la xylologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous travaillez sur les essences, tout ça serait quel type d'arbre ? Alors là, on serait plutôt sur du chêne, qui est l'essence généralement utilisée pour le bois d'œuvre, c'est-à-dire le bois de construction. C'est un bois qui est particulièrement résistant, qui est quasiment imputrescible et qui, de par sa constitution anatomique, permet un débitage assez aisé. Donc là, on serait en présence d'une poutre de plus de 7,50 m, qui correspond à un bois de brun, c'est-à-dire que c'est une une bille d'un un arbre entier a servi à faire la poutre, qui a seulement été aménagée en partie supérieure avec un outil dont il subsiste des traces, certainement une petite hache type cognée. Et donc on a encore deux poteaux qui sont restants, plusieurs mortaises, donc les emplacements des tenons qui permettaient d'enclencher les poteaux dans la poutre. Donc on a certainement des poteaux qui ont été récupérés. Et détail intéressant, on a une reprise en sous-œuvre, c'est-à-dire qu'au niveau d'un probable point de fragilité de la structure, on a rajouté un poteau, alors en sous-œuvre, c'est-à-dire que toute la structure n'a pas été démontée, la passerelle ou le pont n'a pas été démonté. On a créé comme une rigole en pente, en oblique, pour pouvoir faire glisser le poteau directement à l'endroit de la fragilité. Parce que ça allait se casser la figure. C'est une hypothèse, oui, c'est possible. Ou alors on peut aussi imaginer un oubli de dernière minute, mais vu la qualité de la poutre, on peut imaginer que tout avait été réfléchi à l'avance et que ça a été fait a posteriori. Justement, ça nous raconte quoi sur le menuisier qui s'est échiné donc à tailler ce gigantesque bout de bois ? Ça nous raconte que c'est un travail quand même de qualité, mais qui a été fait à l'économie, hein, c'est-à-dire que généralement les poutres sont équarries sur les quatre côtés. Ici, vraiment, on a la forme semi-circulaire de l'arbre et seulement la partie supérieure qui est plane. Donc le charpentier a juste dégrossi la partie haute et a utilisé a priori les mêmes outils, donc cette petite hache, pour débiter la face supérieure et aménager les mortaises et les deux bouts de la poutre. L'autre côté du chantier, donc le chantier sud, une myriade de poteaux enchevêtrés, en ligne, légèrement en biais. Là, on n'a pas affaire à du chêne. J'imagine que c'est des choses beaucoup moins dures. Alors, il y a un petit peu de chêne jeune, mais effectivement, on a une grande variabilité d'essence. Donc, on a certainement du châtaignier qu'on a déjà pu identifier. On a aussi peut-être du hêtre, du frêne, de l'aulne ou du saule. Donc ça, ce sont les études xylologiques après la fouille qui permettront de le dire. Là, on a juste des premières observations en fonction de l'emplacement des branches, de l'écorce, etc. Donc là, effectivement, on n'est pas sur un aménagement qui portait des charges aussi lourdes que la passerelle, mais plus un maintien de berges avec des pieux très rapprochés. Et donc on voit qu'ils ont subi une forte poussée, puisque à l'heure actuelle, ils ne sont plus, pour la plupart, en position verticale, mais inclinés vers le canal. Est-ce que vous avez des pièces récupérées, des pièces plus anciennes qu'on aurait réutilisées, puisque voilà, vous avez besoin de bois? Alors oui, c'est toute la difficulté, c'est qu'on sait qu'évidemment à cette période et même aux périodes antérieures, ils récupéraient beaucoup de bois qui était une denrée précieuse. La difficulté, c'est donc d'identifier ces poutres. Alors tout ça va donner bien sûr des dates extrêmement précises, puisque vous allez faire de la dendrochronologie, l'étude des cernes des bois, qui va vous donner la saison de l'abattage des arbres. Donc pour le chantier, c'est absolument capital pour créer la chronologie. Effectivement, lorsqu'on a la chance d'avoir des pièces de bois avec tous les cernes de croissance, c'est-à-dire un arbre croît d'un cerne par année, et donc lorsqu'on retrouve tous les cernes avec l'écorce, on peut effectivement déterminer l'âge de l'arbre, la date à partir de laquelle il a commencé à pousser, et la date d'abattage, donc ce qui permet effectivement de dater les constructions à l'année, voire la saison près, dans ce cas précis, puisque les arbres étaient mis en œuvre vert, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas sécher le bois, contrairement à une idée reçue. Alors là, aujourd'hui, vous êtes sur un site médiéval. Votre spécialité, c'est les Gaulois, c'est l'âge du fer. Vous venez de finir votre thèse sur le sujet. Vous étiez récemment sur un grand chantier antique où il y avait énormément de bois donc à Rézé, en Loire-Atlantique. Vous tournez comme ça sur tous les chantiers ? Alors effectivement, depuis que j'ai soutenu ma thèse, j'ai été appelé sur plusieurs chantiers concernant les périodes antiques et médiévales. Alors parfois avec du bois conservé, mais ce qui est assez exceptionnel puisqu'il faut des conditions de conservation très particulières, une humidité constante, un colmatage assez rapide et puis aucune lumière. Donc la plupart du temps, les bois ont disparu et je travaille essentiellement sur des empreintes, sur les négatifs de cette pièce de bois et essayer de comprendre les charpentes sans le bois, ce qui est une autre difficulté. Donc c'est une chance aujourd'hui. Merci. Stéphane Augry, qu'est-ce que l'on sait sur les ponts médiévaux du 10e, 12e siècle en Vendée ? Absolument rien. Ah oui, non, là je pense qu'on est sur un cas un petit peu unique. Donc là, en première impression, alors on a la fameuse motte castrale de Pineuil. On a ce type de franchissement, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est d'ailleurs pour ça, c'est le seul modèle qu'on a. Après, en discutant avec les spécialistes du bois, on serait plus sur des modèles ethnologiques, aller chercher des éléments de comparaison. Après, plus globalement, c'est vrai que sur le territoire de la France métropolitaine, ça arrive qu'on trouve qu'on ait des fouilles en contexte humide et qu'on trouve du bois. Pour la période médiévale, ça reste rarissime et il faut plus se tourner vers les pays scandinaves ou vers l'Irlande pour trouver ce type de site. D'ailleurs, voilà, en préparant le chantier, ma seule bibliographie, c'est des exemples du nord de l'Europe, quoi. Pour la France, on a les ports médiévaux de Rouen et Bordeaux. Bordeaux qui a été fouillé dans les années 2000, mais c'est un port de ville, d'une grande agglomération. À proximité, plus en Charente, on a Taillebourg, mais qui est uniquement étudié par les sources écrites et la prospection subaquatique. On n'a pas de structure comme ça de comparaison. Et dans les hypothèses, on reste prudent, on essaye de construire des modèles architecturaux. Il faudra aussi se reposer un petit peu après, dès que le terrain est fini, et réfléchir ça, montrer à tout ça, montrer à des spécialistes. C'est très impressionnant. Vous sortez donc des structures en bois extrêmement bien conservées, qui se sont conservées parce qu'elles étaient dans un milieu anaérobie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend le bruit d'une pompe en permanence. Tout ça risque malgré tout de se dégrader assez vite, puisqu'il ne faut pas absolument que ça sèche. Le bois risque dans ces cas-là de totalement pourrir. Il faut l'expédier bien sûr dans les futurs laboratoires de recherche pour le stabiliser. Tout ça, c'est une fouille assez complexe pour vous. Ah oui, effectivement, et en plus c'est paradoxal parce que on est à la fois en train d'arroser les bois, mais en même temps on est en train de pomper l'eau que nous-mêmes sommes en train de mettre. La boue, puis quand il pleut, c'est très dur pour l'équipe, mais on sent malgré tout une grande motivation de tout le monde vu le contexte de découverte, parce que les bois sont les éléments les plus évidents, mais aussi on met en stock toute ce que j'appelle une banque de données. Il y a tout le matériau qu'on va pouvoir traiter après en laboratoire, donc il y a toutes les graines, on a des couches entières de moutures, probablement de préparation de vignes, de pépins de raisin écrasés sur place, des couches archéologiques constituées uniquement de pépins de restes de raisin, quoi. Donc ça c'est également impressionnant et c'est assez rare. Après, sans grande surprise, mais c'est quand même aussi tout l'intérêt, c'est qu'on retrouve du crabe, donc des coquillages, des poissons, tout ça on le voit à l'œil nu, mais avec les prélèvements on a fait quelques tests, on sait que ça va être ultra très très positif, hein. Donc là il y a vraiment à nouveau c'est une banque de données sur à la fois sur le milieu, puisque on va voir comment le climat a pu et puis le paysage ont pu évoluer, mais à la fois sur et peut-être c'est peut-être plus ça qu'on va voir sur l'anthropisation. On a énormément de rejets de latrines, donc là on sait que pour les archéologues en général c'est plutôt béni en termes d'information, c'est plutôt bénéfique. Je reviens sur vos structures. Quelle est la chronologie? On commence au Xe siècle, on finit au XVe, c'est à peu près ça, et vous avez grosso modo à chaque fois un type de structure un peu différent puisqu'on réaménage les quais. Sur certaines fouilles, on est bien calé en stratigraphie avec les arguments, notamment la culture matérielle, la céramique ou les choses comme ça. Là, on a relativement peu de mobilier pour une telle surface ouverte. Les référentiels aussi régionaux sont peut-être pas, notamment après le 15e, sont compliqués. Les indices qu'on a, ils sont pour l'instant sur la face terrain, en plus des monnaies pour les périodes post-médiévales. On a les traces d'outils qui sont apparemment assez caractéristiques pour le 10e, 11e siècle, donc qu'on a sur les traces en bois. Sur les assemblages céramiques qu'on a, on serait effectivement plus sur le 12e, 13e. Donc là, on voit, il y a tout un schéma qui se met en place, qui est séduisant, mais qui pour l'instant, on verra en post-fouille, pour l'instant, est là aussi cohérent, avec des premiers aménagements en bois pour la période précoce du Moyen-Âge. Et après, petit à petit, le port qui est aménagé en pierre au fur et à mesure, et puis avec peut-être un acmé avec la construction de la tour maîtresse et vraiment ce pouvoir politique très fort qui fait que le port a aussi besoin d'être aménagé en dur et avec des échanges intensifs et des aménagements très très massifs et très très importants. Justement, Stéphane Augry, je vais vous poser probablement une colle. Tout ce travail, c'est un travail lié à la servitude, c'est le travail de serre lié à un château. Ah oui, alors là, c'est une grosse colle. C'est effectivement pour les contextes urbains, notamment pour les fortifications, on a ce travail pour creuser des fossés médiévaux, on a ce travail de corvée. Ça a été démontré pas par l'archéologie, mais par les sources écrites. Là, sur le château, peut-être qu'on aura des surprises dans les recherches documentaires à venir, si on arrive à bien cibler avec effectivement des corvées en lien avec le château. Qu'est-ce que l'on décharge? Qu'est-ce que l'on charge en partance? Et est-ce que tout ça est lié à la puissance du château? Tout ça résonne à l'échelle internationale? Oui, sans problème. Alors déjà, sur qu'est-ce qu'on transporte? Le premier élément, c'est bien évidemment les pierres de construction du château. Quand le château commence à prendre de l'ampleur, on construit la tour maîtresse. Toutes les pierres, elles ont été étudiées. Ça vient de pas très loin, de 4-5 km. C'est les pierres de la plage du Veillon, hein, qu'on peut encore voir actuellement quand on va se baigner. C'est un transport, les parchemins, c'est le plus économique, le plus efficace. Par contre, on voit bien toutes les pierres utilisées sur le site, ce ne sont que des provenances locales, donc au plus simple, au plus proche, on charge. Voilà. Après, pour les périodes les plus récentes, on a à nouveau les sources écrites sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc il est fait mention pour le 15e siècle du commerce de froment avec l'Espagne. Et après, à nouveau, on a d'une part un gros potentiel sur les couches humides avec tout le contexte. Donc on espère avoir des bonnes surprises dans les découvertes, y compris en termes de poissons. Si on découvre du poisson plutôt pêché en haute mer, on aura des réponses. Si on trouve des coquillages cuisinés pour l'exportation, on aura aussi d'autres éléments. Voilà, ça fait partie un petit peu des hypothèses. On verra si c'est validé avec le contexte humide. Et enfin, en dernier lieu, bien évidemment, on pense à la dynastie des Plantagenets. Et puis, c'est pas un petit château local, hein. Vraiment, c'est un pouvoir. C'est une place forte stratégique. Donc bien évidemment tout ça, il devait y avoir des échanges avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec d'autres parties sur la côte atlantique. On espère là aussi, à la fois par les vestiges, les restes archéologiques de la faune ou de la botanique, mais aussi par les sources écrites, pouvoir compléter tout ça. Vous allez probablement trouver quantité d'objets donc jetés ou tombés par hasard dans le canal. L'histoire, bien sûr, de Talmont continue au-delà du XVe siècle, et notamment avec le cardinal de Richelieu. Oui, effectivement, à nouveau, les sources écrites, le château est abandonné. Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça dans les textes. En fouille, ils ont des contextes dans le château qui pourraient montrer une continuité de l'occupation. En tout cas, symboliquement, le château est démilitarisé, donc il périclite. Et bien évidemment, de manière un peu logique, le port aussi périclite. Donc c'est des phases qui sont peut-être moins impressionnantes, mais qui sont intéressantes aussi, parce qu'en fait, on a un gros voile noir. On ne sait pas trop ce qui se passe entre nos connaissances qu'on a avec le cadastre napoléonien, donc l'état du port au 19e, on est sur des jardins avec quelques éléments parcellaires, mais les chenaux ont totalement disparu. Et en quoi Richelieu intervient-il? Donc il démilitarise le château. Est-ce que l'on peut dire donc que Talmont est un port majeur de cette côte vendéenne au cours du Moyen-Âge, au cours du bas Moyen-Âge? Ça sera un site de référence a priori, puisque c'est un des seuls ports médiévaux qu'on va avoir fouillé sur la côte atlantique, voire même plus largement sur le territoire de la France métropolitaine. À ma connaissance, c'est un des rares cas. C'est effectivement une place stratégique entre la Vendée et le Poitou. C'est des axes de communication. Donc oui, Talmont-Saint-Hilaire, place majeure de la Vendée. Oui. Carbon 14 était réalisé par Vivian Lecuivre, à la technique Philippe Mercher et bien sûr avec Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture ou l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.